2 secondes, je lance la radio. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa marhaban bikum jami'an ya ayyuhal ikhwa. Vous qui vous êtes déplacés et bienvenue à vous tous ainsi qu'à ceux qui nous suivent sur la radio Bilal Al-Kini en collaboration avec le collectif Lil-Ilm wa Rahma parmi les adeptes de la Sunna de la ville de Montpellier. Hafizakumullah jami'an. Donc nous sommes dans cette assise autour de l'épître Thalathatul Usul du brillant savant, du grand savant, le défunt Cheikh al-Islam Mohamed At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous sommes toujours dans le début de l'épître, à savoir dans la muqaddima, c'est-à-dire dans l'introduction. Et nous sommes à la fin de la première partie de la muqaddima. C'est-à-dire que l'introduction du livre peut être divisée en trois parties. Et nous sommes dans la première partie qui tourne autour de quatre points, c'est-à-dire le fait d'apprendre, de connaître Allah, de connaître la religion de l'islam avec les preuves et de connaître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point étant le fait de mettre en pratique cela. Le troisième point étant le fait d'appeler à cela. Et le quatrième étant de faire preuve de patience face aux répercussions qui découlent de cet appel à la vérité. Et cette affirmation, c'est-à-dire ces quatre points énumérés par l'auteur, rahimahullah, il étaya son propos concernant ces points-là par la sourate Al-Asr. Et ensuite, il avait mentionné une parole qui est affiliée à l'imam Shafi'i quant au commentaire vis-à-vis de cette sourate grandiose. Puis il avait mentionné la parole de l'imam Al-Bukhari dans un passage de son ouvrage As-Sahih, qui est surnommé As-Sahih, dans lequel il avait dit, chapitre, la science précède la parole et l'action. Et ensuite, il y avait été fait la mention d'une preuve de cela, le verset de Sourate Muhammad. Sache et sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. Mais nous nous étions arrêtés à cette partie-là, mais nous avions vu qu'il y avait une suite à ce verset. C'est-à-dire que dans l'épître, dans l'ouvrage, une partie du verset avait été mentionnée, mais Cheikh Ubayd al-Jaberi avait compléter l'explication de l'entièreté du verset bi'idhnillahi azza wa jal. Et donc on va faire un récapitulatif de ce que l'on a vu déjà la semaine dernière quant aux 8 causes. Car Cheikh Ubayd al-Jaberi rahimahullah, concernant la partie du verset fa'alam annahu la ilaha illa Allah, c'est-à-dire et sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, il avait ramené 8 points du tafsir de Cheikh Sa'adi, du grand savant du tafsir, le Cheikh Abdurrahman As-Sa'adi ou As-Sa'adi, concernant ce verset. Et donc, il avait mentionné 8 causes qui permettent de savoir que nulle divinité ne digne d'être adorée si ce n'est Allah. On les a mentionnées, on les a traduites avec certains détails qui leur sont relatifs. Je m'en vais les énumérer de façon concise, de manière récapitulative, avant de procéder à l'étude d'une nouvelle matière ou de nouveaux contenus. Donc le Cheikh Hafizahullah Ta'ala avait donc mentionné plusieurs causes qui permettent de savoir que la ilaha illallah. Je résume bien entendu. La première, c'était la méditation concernant les noms d'Allah. Naam, concernant ce qui est en rapport à ses attributs ainsi que ses actes. Et là, j'attire votre attention concernant un point. On peut méditer concernant certaines choses en rapport aux attributs d'Allah, mais on ne doit pas méditer concernant mahiyati dhati, comme l'imam Ibn Bizayd al-Qarawani l'a mentionné dans sa muqaddima. C'est-à-dire qu'on ne doit pas essayer de méditer concernant comment est Allah, comment sont ses attributs, comment il fait ses actes, comment il les accomplit, comment il est. Là, cette réflexion et cette méditation n'est pas appropriée. Et comme un des ulema de la sunna, un des pieux prédécesseurs de la communauté avait mentionné, quoi que tu te représentes dans ton esprit concernant Allah, Allah est autre que cela. Non. Ensuite, le deuxième point, c'était la connaissance du fait que Allah est le seul créateur et le seul à avoir la gérance de sa création. Troisièmement, la connaissance du fait qu'il est le seul à accorder les bienfaits. Qu'il est le seul à accorder les bienfaits, aussi bien apparents que cachés, ou que ce soit des bienfaits en rapport à la religion ou en rapport à la vie mondaine. Le quatrième point, la quatrième cause, la connaissance de la récompense et du secours qu'Allah a accordé à ses alliés et du châtiment qui atteignit ses ennemis. Subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, la connaissance de la déficience des idoles. C'est-à-dire que quiconque connaît leurs caractéristiques déficientes et du fait qu'elles sont démunies, comprendra que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Le sixième point étant relatif à l'unanimité des livres révélés concernant cela. C'est-à-dire que tous les livres qu'Allah a révélés sont unanimes sur le fait que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Septième cause, l'unanimité entre les élites de la création. Et les élites, c'est-à-dire les prophètes et les messagers, ainsi que les savants pédagogues. Ils sont unanimes quant au fait que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Ensuite, la huitième cause, c'est le fait de connaître, yani les signes, c'est de par la connaissance des signes qu'Allah a mis dans sa création, dans les signes cosmiques et dans les signes inhérents aux créatures, qui prouvent que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Taïb. Et donc, nous avions abordé ces points-là. Puis il y avait la suite du verset que Cheikh Obeid El Jabiri avait abordé dans son explication concernant le pardon du péché, la demande de pardon, pardon. C'est-à-dire la demande de pardon pour le péché. Naam, ou astaghfir li dhanbik. Et implore le pardon pour ton péché et en faveur des croyants et des croyantes. Naam. Et là, Cheikh Obeid El Jabiri avait abordé yani un point important qui était la conception, la croyance des gens de la Sunna et du groupe concernant el fasiq ul milli, c'est-à-dire concernant le fasiq, le grand désobéissant, celui qui a une déviance comportementale dans sa religiosité, dans sa pratique religieuse, mais qui fait toujours partie de ahlul milla, c'est-à-dire qui fait toujours partie des adeptes de la religion de l'islam. Et donc les ulémas considèrent que il est mu'minun bi'imanihi fasiqun bi'kabiratihi, c'est-à-dire qu'il est croyant de par la foi qu'il a et qu'il est considéré comme étant fasiq de par l'accomplissement d'un grand péché dont ils sont rendus coupables. Et il est défini également par un autre terme, al-mu'min naqis al-iman, c'est-à-dire qu'il est considéré comme étant un croyant à la fois faible ou à la fois déficiente. Et ensuite, Cheikh Obeid El Jabri avait montré et avait clarifié quelle était la conception des Khawarij et des Mu'tazilites, qui sont deux sectes déviantes, égarantes et égarées, qui ont une méconception dans ce sujet-là. Cependant, bien qu'ils soient unanimes quant au jugement de cet individu, c'est-à-dire du musulman s'étant rendu coupable d'un acte qui est considéré comme un grand péché, ils sont unanimes quant au fait qu'il serait en enfer pour l'éternité s'il mourrait sans s'être repenti au préalable. Cependant, concernant son jugement dans sa dunya, ils ont divergé dans leur égarement. C'est-à-dire que les Khawarij considèrent que le musulman qui se livre à l'accomplissement d'un acte qui est considéré comme étant min al-kaba'ir, parmi les grands péchés, alors cette personne-là devient d'emblée mécréante dans cette vie d'ici-bas. Et s'il meurt sans s'en être repenti, alors il serait dans l'enfer pour l'éternité, yani comme les autres kuffars, comme les autres mécréants. Ça, c'est la conception des Khawarij. Les Mu'tazilites, quant à eux, ont considéré que dans cette vie d'ici-bas, le croyant qui s'est rendu coupable d'un acte parmi les grands péchés sort du statut de la foi, mais n'est pas sous le statut de la mécréance. Il est entre les deux, entre la foi et la mécréance. Il est dans un statut intermédiaire. Et ça, c'est le jugement qu'ils lui ont donné dans cette vie d'ici-bas. Et s'il meurt sans s'être repenti au préalable, avant sa mort, de cette grande désobéissance dont il s'est rendu coupable, alors ils ont comme conception et comme considération que cet individu sera pour l'éternité en enfer. Donc au final, dans l'au-delà, ils ont la même opinion que les Khawarij. Et bien entendu, cette croyance est une croyance déviante. Car la croyance authentique dans ce sujet-là et la croyance des adeptes de la Sunna que Cheikh Obeid El Jabri avait expliqué, À savoir que le croyant qui s'est rendu coupable d'un péché parmi les grands péchés, mais qui n'est pas de l'ordre de la mécréance, alors cette personne-là est un croyant à la fois déficiente, et Yom al-Qiyamah, donc ça c'est son jugement dans cette vie ici-bas, et le jour de la résurrection, il est taht al-Mashi'ah, c'est-à-dire qu'il est sujet à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'il le désire, s'il le veut, il le châtie de par sa justice, et s'il le veut, il lui pardonne de par sa miséricorde et l'introduit au paradis, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il était resté une partie du verset que l'on n'avait pas expliqué, dont on n'avait pas prodigué l'explication de Cheikh Ubayd. C'était par rapport au fait que Allah Azzajal a dit Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. C'est-à-dire que Allah Azzajal connaît vos agissements ainsi que vos demeures finales, c'est-à-dire là où vous serez, soit au paradis, soit en enfer. Qu'Allah me préserve de l'enfer ainsi que vous. Cheikh Ubayd al-Jabri mentionne en explication de ce verset en disant Fihi dalilun ala ihatati. C'est-à-dire que dans ce verset, il y a une preuve du fait que Allah cerne tout de sa science, que son savoir cerne tout ce qui est relatif aux actes qu'accomplissent les serviteurs. Naam. Wa mujazatihim alayha. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui va rétribuer les serviteurs par rapport à leurs exactions, ou plutôt leurs actions et leurs exactions. Et donc ceci, cette connaissance-là va impliquer, va susciter au sein du serviteur le fait qu'il aura à l'esprit que Allah azzawajal l'observe parfaitement. Allah sait tout de lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout de lui et qu'il ne peut rien lui cacher. Et que cette muraqaba, le fait de se savoir sujet à la science d'Allah et sujet au fait qu'Allah sait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, ceci doit être une attitude qu'il doit avoir dans sa vie privée comme dans sa vie publique. Naam. Wa anna Allah mujazin kullan bi'amalih. C'est-à-dire qu'Allah va rétribuer tout à chacun concernant les œuvres qu'ils auront accomplies. Wa man wajada khayran falyahmadillah. Donc celui qui viendrait avoir du bien, c'est-à-dire Yom al-Qiyamah, alors qu'il loue Allah. Wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna ila nafsihi. Donc et celui qui viendrait à constater autre que du bien, c'est-à-dire un châtiment, alors en vérité, il ne peut que se blâmer lui-même. Ensuite, nous abordons une deuxième partie dans la Muqaddimah. C'est-à-dire que la Muqaddimah, comme je l'avais expliqué, barakallahu fikum, est constituée de trois parties. Nous venons de conclure et de finir la première partie. Et donc, la deuxième partie, c'est la parole du Moussannif. I'alam rahimakallah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalath al-masail wal-amal bihin. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Donc on va déjà étudier cette partie de l'épître avant d'aborder le dalil en lui-même. Donc le Moussannif, donc Cheikh al-Islam Mohammed al-Tamimi rahimahullah a mentionné dans son épître ثلاثة الأصول. Sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il incombe à tout musulman et à toute musulmane d'apprendre ces trois choses et de les mettre en application. La première étant qu'Allah nous a créés, nous a accordé la subsistance et ne nous a pas laissés à l'abandon. C'est-à-dire, il ne nous a pas laissés à notre sort. Il ne nous a pas abandonnés, plutôt. Mais plutôt, en effet, il nous a envoyé un messager. Quiconque l'obéit entrera au paradis et quiconque le désobéit rentrera alors en enfer. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabri dit فإن هذه المسائل التي ذكر الشيخ هي مسائل اعتقادية والتي مضت مسائل عملية. C'est-à-dire que Cheikh Ubayd al-Jabri explique que ce qui vient d'être mentionné à l'instant, dans cette partie de l'épître, ce sont des points relatifs à la croyance. Tandis que ce qui avait été mentionné précédemment, c'est-à-dire l'apprentissage, la mise en application, la da'wa et la patience, ça c'était des points relatifs à la pratique religieuse. Donc, il dit al-mas'alatul oula, ما ذكره من أن الله عز وجل خلقنا أي أوجدنا من العدم نعمة الإيجاد. C'est-à-dire que donc le premier de ces points dans cet aspect-là, dans cette partie de l'épître, le premier des points est le fait que Allah est celui qui nous a créés, c'est-à-dire il nous a amené à l'existence alors que nous faisions partie du néant, nous étions inexistants. Et donc Allah nous a amené à exister, à l'existence. Et c'est ni'matul ijad. Donc c'est là le bienfait de l'existence. Qu'Allah, dont Allah nous a fait don, azza wa jal. Wa razaqana. Et donc ensuite la parole du mot alif, le fait donc Allah khalaqana, il nous a créés. Donc ça c'est le bienfait de l'existence. Wa razaqana nous a octroyé la subsistance. Parce qu'Allah azza wa jal, il est al-razaq. Et l'attribut qui est relatif à al-razaq, c'est al-razq. Et Allah nous accorde un risque, yani la subsistance, qui est relatif à yani ce dont on a besoin par rapport à notre existence dans cette vie d'ici-bas, entre autres. Et donc, il dit wa hadhihi ni'matul imdad. Ça, c'est le bienfait de l'approvisionnement. Non. Wa lam yatrukna hamala. Et le fait que Allah ne nous a pas abandonnés, ne nous a pas laissés à l'abandon. Lam yaj'alna sudan, mudayyi'in. C'est-à-dire qu'Allah ne nous a pas laissés à l'abandon, ne nous a pas abandonnés, subhanahu wa ta'ala. Yani comme créé et ensuite abandonné, laissé à l'abandon. Bal arsala ilayna rasulan. Mais en effet, il nous a envoyé un messager. Et Cheikh Ubayd al-Jabiri dit en disant huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Muhammad. Fa ba'da ni'mati al-khalq wa ni'mati al-rizq ta'ti ni'mah al-i'dad li hikmatin allati khalaqa Allahu al-khalqa min ajliha wa hiya 'ibadatuhu. Donc, après le bienfait de la création, c'est-à-dire le fait qu'Allah nous ait créés, et le bienfait du don de la subsistance, il vient là le bienfait de la préparation vis-à-vis de la concrétisation d'une sagesse par rapport à laquelle Allah nous a créés, et c'est son adoration. « وَعِبَادَتُهُ هَذِهِ لَا يُدْرِكُهَ النَّاسِ تَمَامَ الْإِدْرَاكِ وَلَا يُؤْدُونَهَا حَقَّ الْآدَى كَمَا يُرِيدُ اللَّهُ مِنْهُمْ إِلَّا بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ. C'est-à-dire que les gens, concernant cette adoration, ils ne pourront pas percevoir tout ce qui est relatif à cette adoration, et ils ne pourront pas s'en acquitter de la manière parfaite et correcte, de la manière qui s'y est, comme Allah veut qu'ils le fassent, si ce n'est de par l'envoi d'un messager. C'est-à-dire que de par toi-même, j'ouvre ici une parenthèse, c'est-à-dire que de par toi-même, tu ne peux pas deviner les adorations qu'Allah aime et agrée. Tu ne peux pas savoir exactement comment Allah veut que tu l'adores. Donc comment tu vas savoir comment adorer Allah, comment concrétiser dans ta vie, dans ton quotidien, les actes d'adoration qu'Allah veut de ta part? Alors tu as besoin donc que l'on t'envoie un messager, un être humain choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, chargé de t'enseigner la manière avec laquelle tu vas l'adorer pour obtenir ta salvation. Al-Rasul fi al-Lugha. Donc Cheikh Ubayd al-Jabiri en vient à expliquer le terme Al-Rasul. Le terme al-Rasul qui est à distinguer du terme al-Nabi, le prophète. C'est-à-dire al-Nabi, c'est le prophète, al-Rasul, c'est le messager. Et Cheikh Ubayd al-Jabiri va aborder ces notions-là, c'est-à-dire la distinction, ou plutôt le tafsil concernant la définition du prophète. Et une distinction entre le prophète et le messager. Donc il dit al-Rasul fi al-Lugha man bu'itha bi-risalah. C'est-à-dire celui qui fut envoyé avec un message. Fa'ul bima'na muf'al, rasul bima'na mursal. C'est-à-dire que le messager est un envoyé. Dans sa connotation linguistique, ça renvoie au fait qu'il est envoyé. Al-rasul, ça renvoie au fait qu'il est un envoyé, quelqu'un qui est envoyé avec un message. Wa fil istilah, et dans un contexte religieux, il expliqua que al-rasul, qu'est-ce que ça veut dire? Rajulun min bani Adam, awha Allahu ilayhi bi shar' wa amarahu bi tablighi. C'est-à-dire que dans un contexte religieux, le messager est un homme parmi les êtres humains, c'est-à-dire les descendants d'Adam, alayhi salatu wassalam, auquel Allah a fait révélation d'une législation et lui a ordonné quant à sa transmission. Il lui a ordonné de la transmettre. Wa la budda qabla bayani ma'na al-aya wa wajhu dilalatiha ala hadhihi al-mas'ala an nubayyin. C'est-à-dire que le cheikh va aborder d'abord, dans un premier plan, avant d'aborder le sens du verset, les tâches du prophète, les tâches, les fonctions du prophète. Comme dalla alayhi al-kitab al-karim wa sunnah sunnatu nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la première des fonctions du messager, Qu'est-ce que c'est? Annahu shahid. Annahu shahid. C'est-à-dire qu'il est un témoin. Shahidun lil khalq. Wa shahidun alayhim. Il est un témoin en faveur de la création d'Allah, en faveur des créatures, et un témoin à leur rencontre. Shahidun lahum bima amilu bihi min sunnatih. Donc il est un témoin en faveur de certains serviteurs par rapport à ce qu'ils auront mis en pratique de sa sunna. Et de ce qu'ils auront mis en pratique et concrétisé dans leur vie parmi ce qui fait partie de la législation d'Allah qu'il est venu transmettre. Et il sera un témoin contre eux concernant ce que eux auront délaissé et qu'ils n'auront pas mis en pratique. La deuxième tâche, la deuxième fonction, parmi les fonctions principales des messagers, alayhim as-salatu wassalam, al-bishara wa an-nadhara, c'est-à-dire le fait de faire la bonne annonce et le fait de mettre en garde, d'être un avertisseur. Il dit, c'est-à-dire la bonne annonce, bil-jannati lil-muti', c'est-à-dire le fait de faire la bonne annonce du paradis quant à celui qui aura été du nombre des obéissants, c'est-à-dire vis-à-vis de l'obéissant à Allah. Et l'avertissement, et ce terme-là, l'avertissement, ça fait référence à tahwif bil-iqab, c'est-à-dire le fait de susciter la peur vis-à-vis du châtiment. Et donc c'est un avertissement qui est adressé à ceux qui sont des désobéissants. Donc la deuxième fonction, c'était celle-là. La première, c'est qu'il est un témoin en faveur et contre les serviteurs. La deuxième, c'est qu'il est le messager, est un avertisseur et un annonciateur d'une bonne nouvelle. Il avertit d'une menace d'un châtiment. Et il est annonciateur d'une bonne nouvelle. Troisièmement, al-hukm bayna an-nas. C'est-à-dire le fait qu'il tranche et il juge entre les gens. Wal-fasl fi khusumatihim. Et le fait de trancher dans leur litige. De trancher dans leur litige, yani dans leur conflit. Al-rabi'a, ta'lim an-nas. C'est-à-dire le fait d'enseigner aux gens, yani la législation d'Allah. Non. Ensuite, on en vient au verset. Au verset de Sourate Al-Muzammil. Le verset numéro 16. Dont le sens en français est le suivant. Et certes, nous avons envoyé vers vous un messager, témoin sur vous, tout comme nous avons envoyé à Pharaon un messager. Et Pharaon désobéit au messager, alors nous le saisîmes durement. Et Cheikh Ubayd al-Jabiri explique ce verset, qui est un verset mentionné par l'auteur, Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Tamimi, rahimahullah. Et il dit, « Wa al-Rasul al-Ladhi arsalahu Allahu ila Fir'aun, huwa Musa alayhi salatu wa salam, sallallahu alayhi wa sallam. » Donc celui qui fut envoyé, le messager en question, mentionné dans ce passage du Coran, qui fut envoyé à Pharaon, c'est le prophète et messager d'Allah, Musa, qui fait partie de Ulul Azm, des cinq grand messager, cinq plus grands messagers envoyés dans l'histoire. Note du traducteur. Les ulémas ont expliqué que les prophètes, bien que ces chiffres, les textes qui abordent ces chiffres, sont pour certains d'entre eux sujets à divergence quant à leur authenticité. Mais certains ulémas les ont considérés comme étant authentiques, et donc d'après ces textes-là, il est rapporté qu'il y aurait eu dans l'humanité 124 000 prophètes, et quant aux messagers, alayhimus salatu wassalam, dans l'histoire de l'humanité, il y en aurait eu 313, et dans un autre hadith, 315. Donc les deux chiffres sont venus dans des hadiths qui ont été authentifiés par certains ulema, yani, pour ne citer que eux, parmi eux, yani Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc le prophète et messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, Moussa fut envoyé à Pharaon, fa'asa Pharaon, c'est-à-dire Pharaon a désobéi donc à Moussa. Mais ce verset-là, à la base, ce verset-là, à la base, il concerne, dans un premier plan, qui est mentionné dans ce verset-là. C'est concernant la désobéissance de Pharaon à Moussa. Mais n'oublions pas, dans quel contexte ce verset a été cité? Ça a été cité dans un contexte où Cheikh al-Islam a expliqué que Allah nous a créés, nous a donné la subsistance, et ne nous a pas laissés à l'abandon, mais nous a envoyé à nous un messager. Notre messager n'est pas Moussa, alayhi salatu wassalam. Notre messager est le prophète Mohammed. Donc, quel est l'aspect argumentatif de la mention de ce verset concernant Moussa? Cheikh Obed al-Jabiri, il dit, c'est dans la mention de ce qui a atteint Pharaon pour avoir désobéi Moussa. Donc Allah avertit, à travers ce verset-là, Allah avertit cette communauté, min ma'siyati nabiyyi, c'est-à-dire du fait de désobéir à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna al-'aasi minha sayulqa ma laqiyahu al-'usat al-mukaththabuna li-rusulihim. C'est-à-dire que celui qui viendrait à désobéir dans cette communauté, la communauté mohammedienne, qui viendra à désobéir et à contrevenir à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il risque d'être atteint par ce qui a atteint ceux qui ont été du nombre des désobéissants et de ceux qui auront démenti les messagers. Donc c'est-à-dire celui qui viendra à ne pas croire par exemple au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à rejeter son message, il subira un châtiment terrible. Et après, bien entendu, les ulémas ont expliqué qu'il y a deux grandes formes de désobéissance à l'égard du prophète, alayhi salatu wasalam. La désobéissance qui est de l'ordre de la mécréance et qui provoquerait la résidence éternelle dans le feu de l'enfer, qu'Allah m'en préserve ainsi que vous. Et il y a la désobéissance qui est moindre, qui fait que la personne est toujours considérée comme étant un adepte de la foi, un adepte de l'islam, donc du nombre des musulmans. Mais cependant, sa désobéissance l'expose à être sujet à un châtiment. Mais bien entendu, son châtiment serait moindre que le châtiment qui attendrait les koufars, étant donné que les mécréants seront dans le feu pour l'éternité. Wal-a'yadhu billah. فَهُوَ يَقُولُ مَنْ عَسَى مُحَمَّدًا مِنْكُمْ فَإِنَّهُ عُرْدَةٌ لِأَخْذِ اللَّهِ إِيَّاهُ الْأَخْذِ الْوَبِيلِ. Donc c'est-à-dire que dans ce verset du Coran al-Karim, il y a un message concernant le fait que celui d'entre vous qui viendra désobéir à Mohammed parmi vous, alors il s'exposerait au fait qu'Allah le saisisse d'un saisissement sévère, il y en est dur, terrible. De la même manière qu'il a saisi Pharaon pour avoir désobéi à Moussa, alayhi salatu wasalam. Donc ce verset-là est une preuve quant à l'obéissance, l'obligation de l'obéissance à l'égard du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Fima ya'muru bih, concernant ce qu'il ordonne. Et il y a en cela un avertissement à l'encontre de la désobéissance à son égard. Naam. Et ensuite, Cheikh Obed al-Jabiri, rahimahullah, a abordé un dalil de la sunna quant à l'obligation de l'obéissance à l'égard du prophète, alayhi salatu wasalam, et de ce qui constitue un avertissement à l'encontre de sa désobéissance. Marawahu al-Bukhari fi sahihi. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. C'est-à-dire que dans la sunna il est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari d'après Abu Huraira رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tous les membres de ma communauté rentreront au paradis à l'exception de celui qui aura refusé. Et les sahaba se sont donc interrogés et ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant et qui refuse au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors quiconque m'aura obéi rentrera au paradis et quiconque m'aura désobéi alors il aura refusé. Non. Ensuite, nous allons aborder bi-idhnillahi azawajal le deuxième point. Le premier point dans cette deuxième partie de la muqaddima était concernant l'obligation de l'obéissance et du suivi du messager qui a été envoyé à notre attention. Le deuxième point dans cette seconde partie de la muqaddima, c'est concernant l'obligation du culte exclusif à l'égard d'Allah dépourvu de toute forme de polythéisme. Donc, قال المصنف رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc سورة الجن le verset numéro 18. Donc le deuxième point c'est le fait que Allah n'agrée pas qu'on lui donne à quelconque associé dans son adoration. Que cela soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Et la preuve est la parole d'Allah, dont le sens en français est le suivant. Et certes, les mosquées ne sont que pour Allah, n'y invoquez donc personne avec lui, avec Allah. Donc, Cheikh Obed al-Jabir dit « هذه المسألة الثانية وهي تدل على المنهج الصحيح » Donc, ce deuxième point, ça envoie à la méthodologie, à la voie qui est correcte. « وَالْقَاعِدَ السَّدِيدَ فِي الْعِبَادَ » Et le principe qui est un principe qui est droit concernant l'adoration, qui est sur la rectitude quant à l'adoration. « وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ فِي عِبَادَتِهِ » Et c'est le fait que Allah n'agrée pas, Allah n'accepte pas qu'on lui donne un quelconque associé dans son adoration. La malakun muqarrab, que ce soit un ange rapproché, ou la nabiyun mursal, ou que ce soit un prophète envoyé. Hada mattafaqat alayhi kalimatu ar-rusul min Nuh ila Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Et il dit, ça c'est une parole qui a été sujette à l'unanimité, c'est-à-dire que tous les prophètes, tous les messagers, pardon, les messagers depuis Nuh jusqu'au dernier d'entre Muhammad alayhi as-salatu was-salam, ont tous eu ce prêche, ont tous eu ce message, ont tous été unanimes. Quant à cela, le fait qu'on se doit d'adorer Allah exclusivement et qu'Allah n'accepte pas qu'on lui donne un quelconque associé dans l'adoration à Azzawajal. Et justement, Cheikh Obed al-Jabiri dit que tous les messagers, ils ont appelé leur peuple « ila ikhlas ila ibadati lillah ». C'est-à-dire que tous les messagers ont appelé leur peuple respectif à vouer un culte pur et exclusif à Allah. Et les messagers, alayhim as-salatu wassalam, n'ont pas appelé à l'adoration de façon absolue, mais ils l'ont spécifié. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit juste « adorer ». Ils ont appelé à l'adoration exclusive d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, pourquoi ce point-là est important? Parce qu'il y a des gens qui adorent Allah, ils vouent des adorations à Allah, mais à côté, ils ont d'autres adorations qu'ils vouent à autre qu'Allah, ou à Allah et à autre que lui, avec lui. Donc ceci n'est pas suffisant pour rentrer au paradis. La personne qui rentrera au paradis, c'est celui qui aura voué un culte pur et exclusif à Allah Azza wa Jal, sans lui donner un quelconque associé dans quelque forme que ce soit parmi les formes d'adoration. Non. Et donc, Cheikh Obed al-Jabri, il donne des exemples concernant justement le fait que les prophètes et les messagers ont appelé à l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser toute forme de polythéisme. Il dit le premier exemple, قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc ça c'est le verset de sourate An-Nahl, le verset 36, dont le sens en français est le suivant: et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager leur disant adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adorant en dehors de lui. At-Taghut. Il dit دلت هذه الآية على اتفاق الرسل على الدعوة الناس إلى التوحيد الخالص والعبادة الخالصة. Donc c'est-à-dire que ce verset prouve que les messagers sont tous unanimes dans leur prêche, dans leur appel qu'ils ont adressé aux gens, dans lequel ils les ont appelés au fait de vouer un culte pur, un monothéisme pur et exclusif à Allah, dans lequel l'adoration lui est vouée de façon exclusive. فإن الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا له Subhanahu wa ta'ala. Car il a mentionné un point très important. Allah n'accepte comme forme d'adoration que celle qui a été vouée exclusivement pour lui. C'est-à-dire, il n'y en a sans aucun associé. Thaniyan, le deuxième point, ma qassahu Allah subhanahu wa ta'ala alayna min khabari salih wa hud. Concernant ce qu'Allah a rapporté, c'est-à-dire dans le Coran, concernant les histoires de Salih et de Hud, qui sont des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, excusez-moi. Wa qablahum Nuh, et avant eux, l'histoire de Nuh, alayhim salatu wassalam. Fa kulluhum qala, chacun d'entre eux ont dit, c'est-à-dire que Nuh, Salih, Hud, ont tous dit, ya qom, c'est-à-dire, ô vous mon peuple, u'budullah, adorez donc Allah, ma lakum min ilahin ghayruh, vous n'avez nulle divinité digne d'être d'adoration si ce n'est lui, en dehors de lui. وَهَذَا هُوَ التَّوْحِيدَ الْأُلُوهِيَةِ Et ceci est le tawhid, yani dans l'adoration, dans la divinisation, le fait de vouer un culte pur à Allah. الَّذِي كَانَ فِيهِ النِّزَاعُ وَالْخُصُومَةُ بَيْنَ النَّبِيِّينِ وَأُمَامِهِمْ Et c'est-à-dire que ce sujet-là, c'est-à-dire le fait de vouer un culte pur et exclusif à Allah et d'abandonner toute forme de polythéisme, c'était à ce sujet-là qu'il y avait le point de... C'était à ce sujet-là qu'il y avait des conflits et des disputes entre les prophètes et leur communauté. وتوحيد الألوهية وتوحيد الله بأفعال العبادة التي شرعها لهم وأمرهم أن يعبدوه بها. Et donc, le tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinisation, dans le fait de lui vouer un culte exclusif, c'est le fait que les serviteurs unifient Allah dans leur culte. C'est-à-dire qu'ils vouent un culte unique, exclusif à Allah, en adorant Allah de la manière qui fut légiférée pour eux par Allah. Et qu'ils l'adorent à travers cette législation qu'Allah leur a transmise. ومن أجل هذا التوحيد كان المفاصلة والعداوة والبغضاء نعم إلى غير ذلك من ما قال. Donc et c'est pour ça que c'est par rapport à ce tawhid là que justement il y a la scission qui est établie entre des peuples et que par rapport à ce tawhid là qu'il y a eu yani l'animosité, le fait de prendre des positions antagonistes et d'avoir de la détestation pour yani qui est éprouvée yani pour Allah à l'encontre de ses opposants. C'est-à-dire, il y en a qui est éprouvé pour Allah, c'est-à-dire une animosité à l'égard des ennemis d'Allah, cherchant sa satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Et concernant la parole du mu'allif, concernant le fait qu'il avait mentionné, rahimahullah, que donc Allah n'agrée pas qu'on lui donne un quelconque associé. La malakun muqarrab, wa la nabiyun mursal. Donc, concernant la malakun muqarrab, donc Allah n'accepte pas qu'on lui donne un quelconque associé dans l'adoration, que ce soit un ange rapproché. Concernant le terme al-malak, l'ange, il dit ça c'est le singulier du mot dont il y en a du mot qui est au pluriel al-malaika. Donc le mot ange au singulier c'est al-malak et le pluriel c'est al-malaika. Il dit ma'khudh min al-uluka wa hiya ar-risala. C'est-à-dire que dans son sens linguistique ça vient du terme al-uluka et ça renvoie au sens du mot message. Ça renvoie à l'origine dans son sens linguistique au mot message. Wa al-malaika et donc là il explique qu'est-ce que sont les anges. Il dit que ce sont des serviteurs d'Allah qui sont anoblis, de nobles serviteurs d'Allah que Allah a anoblis, qui ne devancent pas Allah dans la parole. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ et qui obéissent à ses ordres. C'est-à-dire que lorsqu'Allah leur donne un ordre, ils le mettent en application directement. Ensuite, il aborde leur nature, c'est-à-dire yani concernant leur origine. De quoi, à partir de quoi ils ont été créés. يَعْنِي خَلَقَهُمْ يَعْنِي c'est-à-dire وَمَادَّةُ خَلْقِهِمْ النُّورِ c'est-à-dire qu'ils ont été créés à partir de lumière. Excusez-moi. كَمَا صَحَ بِذَلِكَ الْخَبَرُ عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمُ c'est-à-dire que le fait d'affirmer que les anges ont été créés de lumière, ceci a été authentiquement rapporté du messager d'Allah صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Donc, et il explique que les êtres humains, فَالْإِنْسْ مَخْلُوقُونَ مِنْ تُرَابٍ donc les êtres humains viennent de la terre, وَالْجَانْ مَخْلُوقُونَ مِنْ نَارٍ et les djinns sont créés de feu, وَالْمَلَائِكَ et quant aux anges, مَخْلُوقُونَ مِنْ نُورٍ ils ont été créés de lumière, وَهُمْ مُقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ مَكَانًا وَمَكَانَةً donc ils sont des créatures qui sont proches d'Allah, yani physiquement, et dans le rang qu'ils occupent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمن حيث المكان donc dans un point de vue de leur emplacement physique yani le fait qu'ils sont dans les cieux ومن حيث المكان il mentionne Cheikh Ubayd al-Jabiri qu'Allah les a choisis et il a fait d'eux des messagers à qui il a donné des tâches, des occupations, des responsabilités parmi eux Jibril qui est donc le dignitaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il a été le délégué à qui Allah a confié la responsabilité de transmettre sa révélation. Et il est son représentant auprès de ses prophètes et de ses messagers. Alayhi salatu wa salam. Ensuite, il aborda la suite du passage de l'épître, c'est-à-dire « Wala nabiyun mursal » et donc Allah n'accepte pas qu'on lui donne des associés, que ce soit en lui donnant un associé parmi les anges, que ce soit un ange rapproché, ou un prophète envoyé. Donc concernant An-Nabi, il explique donc Cheikh Ubayd al-Jabiri l'origine linguistique du mot An-Nabi. Et il a mentionné qu'il y a deux origines linguistiques, deux sens, deux connotations linguistiques relatives à ce terme. Il dit An-Nabi ma'khudh min an-nabawa bima'na al-makan al-murtafi'. Donc yani ça l'origine ça viendra du mot an-nabawa qui fait référence à al-makan al-murtafi', ça fait référence à un endroit élevé. Parce que le prophète, les prophètes, sont des gens qui occupe un rang élevé dans l'humanité. Et également, ça peut vouloir venir, ça peut provenir du mot an-naba. An-naba, wa huwa al-khabar al-azim. Et an-naba, ça renvoie au fait que c'est une nouvelle grandiose. Non. Ensuite, istilahan, donc là, Cheikh Ubayd al-Jabri aborde la définition du prophète. Il dit, Rajulun min bani Adam, donc c'est un être humain, Awhallahu ilayhi bishar, auquel Allah Azzawajal lui a fait révélation d'une législation, wa amarahu bitablighi, et il lui a ordonné de la transmettre. Ou jaa bitaqriri shari'atin sabiqa, ou qui est venu pour yani revivifier ou corroborer une législation qui fut révélée avant sa venue, avant son envoi. Une sharia, une législation précédente. Et il dit que cette définition-là, hada huwa ghayru at-ta'rif al-mashhur. C'est-à-dire que cette définition qu'il vient de donner, ce qui est la définition qui est considérée comme étant la définition appropriée par Cheikh Ubayd al-Jabri, et n'est pas la définition qui est la plus courante, la plus répandue, la plus connue chez les gens. Il dit, fat-ta'rif al-mashhur khata. C'est-à-dire qu'il dit que la définition qui est répandue et qui est connue parmi les gens est une définition qui est erronée. Wa ta'rif alladhi kana mashhuran 'indana anna an-nabi istilahan rajulun aw uhiya ilayhi bishara wa lam yu'mar bitablighi. Et il dit que la définition qui était célèbre, qui a été répandue parmi les gens, ce serait le fait de définir le prophète dans un contexte religieux comme étant un homme, yani un être humain, auquel il a été fait révélation d'une législation, mais qui n'aurait pas été yani sollicité quant au fait, ou plutôt qu'il n'y a pas été ordonné de la transmettre, de transmettre le message qu'il a reçu. Ça, c'est la définition qui était répandue. Non, c'était la définition qui était répandue, qui était courante parmi les gens. Et Cheikh Ubayd al-Jabri, il dit, yani hadha qasir. Et cette définition, elle est déficiente. Elle est déficiente, elle a des manquements, entre guillemets, elle n'est pas correcte. Et il dit, wassawab, et donc ce qui est correct, donc là, la définition que je vais mentionner, c'est la définition que Cheikh Ubayd a déjà mentionnée, et dont il réitère la mention, et qui est la position prépondérante aux yeux de Cheikh Ubayd al-Jabri, c'est le fait de considérer que c'est Rajulun min bani Adam, donc c'est un être humain, Awhallahu ilayhi bishar, auquel Allah Azzawajal a fait révélation d'une législation, wa amarahu bitablighihi. Non. Et donc il lui a ordonné de transmettre, aw jaa bitaqriri shari'atin sabiqa, ou qui est venu corroborer une législation précédente. Taïb. Et il donne les exemples. Il dit comme exemple ulil azm wa salih wa shu'ayb wa hud. Donc ulul azm, ça fait référence à qui? Ça fait référence à des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ulil azm, ça fait référence à cinq, qui sont les cinq plus nobles prophètes et les cinq plus nobles messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les dotés de ferme résolution. Dans un point de vue chronologique, c'est Nuh, il y en a ensuite Ibrahim, ensuite Moussa, ensuite Isa et ensuite Mohammed, alayhim salatu wa salam. Après, il a mentionné comme exemple les prophètes d'Allah azzawajal, Salih wa Shu'ayb wa Hud. Donc, aw jaa bi takrir shari'atin sabiqa. Donc, et concernant l'aspect de la définition dans laquelle il avait mentionné que donc il peut être un être humain à qui Allah fait révélation et qui est venu dans le but de corroborer, de revivifier une législation qui a été révélée précédemment. Il dit que Anbiya ibn Israël, Beina Moussa wa Isa. Donc c'est-à-dire que les prophètes et les messagers qui ont été mentionnés précédemment, eux étaient venus avec une législation qui leur avait été transmise et qu'ils ont transmise. Mais dans le contexte où certains ont été envoyés à l'humanité dans le but de revivifier ou de corroborer, de revivifier des enseignements qui étaient au sein d'une législation précédente, il a donné comme exemple à ce sujet-là les prophètes qu'il y a eu dans Bani Israël, entre Moussa et Isa. Fa innahum ja'u bit-taqriri shari'ati Moussa. Donc il a dit cela et ont été envoyés dans le but de revivifier les enseignements de la législation de Moussa. Et comme exemple, il a donné Yusha ibn Nun, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit Wa dalilu ala anna an-nabi mursal, c'est-à-dire que le fait que le prophète il est envoyé à l'humanité de la même manière, yani de manière similaire et équivalente au messager, qawlul haqq, jalla wa ala. C'est-à-dire, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. C'est-à-dire que nous n'avons pas envoyé avant toi de messager ou de prophète sans que lorsqu'il transmettait son message, alors Shaitan essayait d'agir quant à son message. C'est-à-dire quant à ce qu'il transmettait aux gens. Il dit, فَالْآيَةِ نَصٌّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ مُرْسَلٌ. C'est-à-dire que ce verset-là prouve que le prophète est envoyé tout comme le messager. نعم. وَلَا يُعْرَفْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ بِالْقُعُودِ فِي بَيْتِهِ. Et il dit qu'il n'est pas connu qu'un homme a reçu de la part d'Allah une révélation et qu'Allah lui aura ordonné de rester au sein de sa demeure. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas à transmettre le message. Non, et ça c'est un point sur lequel beaucoup de gens de science ont justement corrigé la définition concernant le fait que le prophète, qui selon certains gens de science, serait un homme qui aurait reçu une révélation mais qui n'aurait pas été ordonné quant à la transmission de ce message qu'il aurait reçu de la part d'Allah. Si nous, êtres humains lambda, qui ne sommes pas des prophètes et des messagers, il nous est une obligation religieuse de transmettre aux autres ce que nous connaissons de la religion de vérité, qu'en est-il d'un homme qui a reçu ce message-là de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que révélation qui lui fut faite? Il est d'autant plus obligatoire pour lui de transmettre. Non. Donc ceci est une rectification de la définition qui est très répandue et qui est très connue chez les gens, mais qui est une définition qui est considérée comme étant déficiente. Le fait de considérer que le prophète, ce serait un homme parmi les êtres humains auquel Allah aurait fait une révélation, mais qui n'aurait pas reçu l'ordre de la transmettre. Et cette définition, comme mentionnée et clarifiée par Cheikh Ubayd al-Jabri, est déficiente. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabri, 2 secondes, je vais boire un second. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabri continue à donner de la clarification concernant ce sujet-là. Il dit, وَلَعَلَّهُ يَزِيدُ هَذَا تَوْضِيحًا. Et donc ceci apportera plus de clarté, de clarification. قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, يعني la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ فَكُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي. Et ce hadith est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wasalam, a enseigné que au sein des Bani Israël, ils étaient dirigés par leur prophète. Et donc, dès qu'un prophète décédait, Allah envoyait un autre prophète qui prenait sa place en tant que dirigeant. Et le prophète a dit, Wala nabiyya ba'di. Et il n'y a nul prophète après moi. Comme vous le savez tous, barakallahu fikum, le prophète alayhi salatu wasalam, est le dernier des prophètes et le dernier des messagers. Non? Ah, je vois pas. L'écran n'est pas. Ah, je suis trop proche? Ah, taïb. Taïb, donc Inch'Allah, je vais poursuivre 2 minutes et Inch'Allah, on a fini. Si je prends 5 minutes, c'est bon ou pas par rapport à vous? Ah, c'est déjà l'heure de la salah chez vous? Taïb. Taïb. Taïb, bon, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je vais mettre un marque-page, Inch'Allah, ta'ala, et on poursuivra, bi'ithnillahi azawajal, dans l'assise de la semaine prochaine, inshallah. On se donne rendez-vous mercredi, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala, quant à l'assise concernant le fiqh. Wa billahi ta'ala at-tawfiq. Hadha wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.